Unité 6. 2. A. 1. Il est à qui ce téléphone portable ? 2. Je vais envoyer cette carte postale à mes parents. 3. Sens donc ces fleurs, elles sentent vraiment bon. 4. Je n'aime pas beaucoup ces chaussures. C'est les seules que vous avez ? 5. Tu as lu ce livre ?